Le Salon Noir. On sait où elle commence, vers 7 millions d'années pour les plus optimistes, 2,5 millions pour les autres. Mais quel est donc l'autre terminus de la discipline? Les archéologues l'affirment, le clament, pour eux, point de doute, l'archéologie n'a pas de limite et s'arrête hier. Faut-il réellement les croire? À n'en pas douter, les objets qui nous entourent dans l'instant sont de futurs objets archéologiques, témoins du passé d'une brillante civilisation disparue, donc perdue, et par là même enfouie. Toujours est-il que, pour cela, il nous faudra encore attendre quelque peu, du moins que notre société s'effondre, ou juste le temps que notre mémoire l'oublie. On l'a vu, conservateur en chef du patrimoine en charge des collections celtiques et gauloises au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Spécialiste de l'archéologie nazie et des indo-germains qui n'ont probablement pas existé, il passe ses vacances d'été à fouiller une mine de sel. Laurent Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Laurent Olivier, ma première question ne peut être que salée. Sciences sociales œuvrant sur la matérialité des sociétés, l'archéologie n'a pas de limite, il faut l'arrêter. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. Si on prend la définition classique de l'archéologie, c'est ce qui s'occupe du vieux, de l'ancien, alors on est obligé de se dire... qu'est-ce qu'on fait du récent? Qu'est-ce qu'on fait du tardif? C'est pas archéologique, mais à ce moment-là, on met où le curseur? C'est quoi le tardif? C'est quoi le trop récent pour être intéressant? Ce qui est important, c'est ce que vous avez dit, c'est que l'archéologie, ça s'intéresse à la matérialité, c'est-à-dire comment les hommes transforment la matière, le monde autour d'eux. Et si on prend cette définition au pied de la lettre, eh bien, la période qui bouleverse le plus la matière, le plus l'environnement, ce n'est pas le passé, c'est le présent, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment. C'est le présent qui est le plus producteur d'archéologie en masse. Et est-ce que vous pensez qu'on produit du passé, donc on produit de l'archéologie, à l'heure actuelle? De l'objet archéologique? Notre période est une période profondément archéologique. Si vous en tenez à cette définition, l'archéologie, c'est l'étude de l'impact de l'homme sur la matière, alors notre période produit un impact sur la matière à une échelle qui n'a jamais été produite. Pensez aux réseaux d'autoroutes, pensez aux zones industrielles, pensez aussi à Fukushima et à Tchernobyl, qui sont en train de produire une empreinte sur l'environnement pour plusieurs centaines d'années avec le césium, pour plusieurs millions d'années avec le corium de l'intérieur des réacteurs. Ça a déjà produit un petit Pompéi, hein. Pripyat, c'est une cité soviétique gelée dans l'état des années 80. On a déjà ce site. Mais Tchernobyl lui-même, Fukushima lui-même, sont en train de produire de l'impact sur l'environnement, de l'impact sur l'occupation humaine à une échelle qu'on ne sait pas encore mesurer, mais qui certainement dans les siècles à venir sera toujours là. Ça, c'est de l'archéologie. C'est de l'archéologie qui se fabrique. Pour autant, les archéologues sont toujours préoccupés par l'ancien, le très vieux, le récent est par essence impropre à la recherche. En cela, l'adjectif tardif, lâché avec mépris, est une véritable injure dans notre profession. Oui, c'est vrai. Alors, on est toujours le tardif de quelqu'un. Hein. Pour les paléolithiciens, le tardif, ça peut commencer au néolithique. 7 millions d'années. Voilà, pour les proto-historiens, c'est le romain, le tardif. Pour les médiévistes, c'est le 18e ou le 19e siècle. Donc, ça pose cette vraie question. C'est si l'archéologie s'intéresse uniquement à l'ancien, où placer la limite du plus archéologique, du plus intéressant et pourquoi? En fait, on voit bien que cette position-là n'est pas tenable, qu'elle n'est pas valide comme la définition d'une discipline. Au contraire, je pense qu'il faut s'intéresser à ce qui fait la spécificité de notre discipline par rapport aux autres sciences humaines. C'est effectivement l'étude des choses, l'étude de la matière, l'étude des lieux, l'étude des objets, l'étude des transformations du monde matériel. Et si on prend cette définition-là comme la base fondatrice de l'archéologie, ce que je crois qu'elle est, alors là, on se rend compte qu'en fait, on délaisse complètement des phénomènes énormes qui sont en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, il se passe un phénomène dont on ne sait pas s'il est l'équivalent de la révolution néolithique ou si c'est un feu de paille, c'est le développement de l'urbain. Aujourd'hui, depuis maintenant un siècle, les civilisations traditionnellement rurales sont en train de disparaître au profit d'une civilisation urbaine mondiale. Ça se passe en ce moment, cette chose-là, cette mutation. Où sont les archéologues pour l'observer ? Ils ne l'ont peut-être pas vu. Ou ça ne les intéresse pas, ou ils considèrent que ce n'est pas archéologique. Ça pose évidemment le problème de savoir où sont les archéologues, où ils sont dans la société, où ils sont quand ils participent aux travaux d'aménagement dans l'archéologie préventive. Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur l'aménagement quand on révèle la mémoire multimillénaire ? Ce n'est pas seulement d'enlever de l'archéologique qui est gênant pour construire des halles aux chaussures ou des supermarchés. De purger les sites archéologiques. Purger les sites archéologiques, comme on dit dans le jargon technocratique. Il y a un rôle social de l'archéologie. Et ce rôle social... Il est posé aujourd'hui au présent par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et là, c'est là où on les attend, les archéologues. Il y a aussi la pratique de la destruction des niveaux supérieurs. Dis-nous-en un peu plus. C'est une chose qui s'est longtemps pratiquée, entre l'ancien justement et le tardif. Oui, mais ça justement, ça procède d'un découpage en spécialités. C'est-à-dire que on se rend compte que ce tronçonnage du temps, un ouvrage vient de paraître en histoire. Faut-il maintenir l'histoire en tranches ? Faut-il concevoir l'histoire en tranches ? Faut-il concevoir l'archéologie en tranches ? De la même manière, on se rend compte que ce découpage en juxtaposant un néolithicien à côté d'un bronzier, à côté d'un spécialiste de l'âge du fer, d'un spécialiste du romain, d'un spécialiste du médiéval, en fait, ça conduit à saucissonner la matière archéologique. Et au contraire, ce qui est intéressant, enfin c'est ce qui apparaît de plus en plus dans les travaux de ces dernières années, qu'est-ce qui se passe dans le long terme, qu'est-ce qui se passe à travers cette... Une sorte de transversale, donc. À travers ces périodes. Laurent Olivier, ce sont ni les archéologues, ni encore moins les historiens, qui sont à l'origine de cette étude du passé récent, mais les anthropologues ? Oui. En tout cas, c'est eux qui ont mis le doigt sur quelque chose à laquelle on n'avait pas fait attention. Alors, il y a eu plusieurs expériences importantes qu'on a tous en mémoire. Il y a le fameux Garbage Project, le projet poubelle de Tucson, en Arizona. C'est assez ancien, ça. Ça, c'est ancien. C'est un projet des années 70. C'est un projet... typiquement d'anthropologie sociale. C'est-à-dire, l'idée, c'est de se dire, on ne va pas demander aux gens ce qu'ils font, on va regarder ce qu'ils font. Et on ne va pas leur demander ce qu'ils consomment, quel genre de nourriture ils consomment, s'ils la jettent, s'ils ne la jettent pas. On va regarder ce qu'il y a dans leur poubelle. Et on va comparer avec des enquêtes. Et là, on se rend compte qu'il y a un décalage extraordinaire. C'est-à-dire qu'évidemment, si on vous pose la question, non, vous ne buvez pas trop de vin rouge, oui, vous mangez des légumes, non, vous ne forcez pas trop sur les sucreries. Et en fait, si on fouille votre poubelle, elle va être pleine de mégots, de bouteilles et de canettes. Bon, ça, c'est la différence entre la réalité et la fiction. Donc, on s'est rendu compte, en fait, par cette expérience-là, que la réalité matérielle, ce que faisaient vraiment les gens, il y avait un décalage par rapport à la fiction anthropologique. Et donc, là, on ne savait pas comment le nommer, mais étudier cette matérialité-là, c'est d'une certaine manière faire une démarche d'archéologie, ça apportait quelque chose de nouveau sur l'étude des comportements. Alors cette opération poubelle, Garbage Project, réalisée par l'université de Tucson, est parue dans un livre fondateur, je ne sais pas si vous en souvenez, publié par Alain Schnapp, qui reprenait donc l'archéologie aujourd'hui, qui n'a pas été réédité depuis les années 80, depuis 1980 je crois. Dans ce projet-là, nous voici alors dans une sorte de relation directe entre le chercheur et l'utilisateur, ce qui n'est absolument pas le cas, bien sûr, avec l'archéologue et l'individu fouillé. Oui, alors ce qui est complètement différent et pas confortable du tout, c'est le fait qu'effectivement, on étudie des sites qui ont été occupés il y a peu de temps et dont les témoins sont encore vivants. Alors, il y a le Garbage Project de Tucson, mais il y a aussi un projet qui est quelque chose d'absolument fondateur, à mon avis. C'est l'expérience du campement de Mili. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un projet typique de la fin des années 70. C'est à l'université d'Alberta. C'est un chercheur il est mort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il s'appelle Robert Bonixen. Et il a rencontré une vieille indienne dans les rocheuses canadiennes qui s'appelait Millie, qui avait vécu dans un campement avec ses fils pendant plusieurs années. Ils avaient chassé, ils avaient mangé, ils avaient vécu là. Et Bonixen lui dit, ben voilà, je vous propose quelque chose si vous voulez. On va fouiller cet emplacement, on va l'étudier comme un site archéologique, je vais faire ça avec mes étudiants, on va en tirer des conclusions qu'on peut en tirer en étudiant le matériel, et puis vous nous direz, Émilie, si vous êtes d'accord, on vous dira ce qu'on en a pensé, vous nous direz si c'est vrai ou pas, ou si on tombe juste ou pas. Et en fait, ce qui est absolument hallucinant, c'est que, à part le fait de déterminer qu'effectivement des gens avaient bien vécu là, c'est un fiasco sur toute la ligne. C'est-à-dire que toute l'interprétation des modes de vie, elle est fausse. C'est pas ça du tout. Il y a plein de phénomènes que les archéologues n'ont pas vus. Le fait que ça soit occupé de manière temporaire, le fait que certains endroits sont utilisés à certains moments, mais pas à d'autres, le fait que d'autres personnes sont déjà venues dans ce campement avant ou ils sont revenus après, qui n'a rien à faire avec la famille de Milly, pour tout ça, on n'arrive pas à voir la différence. Et donc, l'interprétation, on se rend compte qu'il y a... Il y a en fait ce qu'il faut appeler une fiction archéologique, c'est-à-dire qu'on reconstruit quelque chose qui n'a pas existé. Justement, en général, dans toutes les périodes, le passé que reconstituent les archéologues est-il réel ? Il est alors, totalement fictif. Il est nécessairement, fondamentalement fictionnel, parce qu'on n'était pas là et parce qu'on n'a pas vu ce qui se passait. Quand vous dites « c'est une couche de destruction », oui, bravo, c'est quoi une couche de destruction ? Ça ressemble à quoi la destruction d'un site ? Quand vous dites « c'est une couche d'occupation, c'est une couche d'abandon », ça ressemble à quoi réellement l'abandon d'un site ? Est-ce que vous l'avez vu ou pas ? Est-ce qu'on le voit ou pas ? D'où l'intérêt, justement. Ça, c'est des chercheurs américains comme Schiffer qui ont développé ça dans la fin des années 70. C'est d'aller voir vraiment l'occupation des sites pour voir vraiment comment ça se passe en réalité quand un site est abandonné. Et là, ce qu'on observe, on observe des choses qui sont assez hallucinantes pour les archéologues. C'est-à-dire qu'après qu'un site soit abandonné, il y a une phase de récupération absolue. C'est-à-dire qu'on enlève tout. On enlève les radiateurs, on démonte la baignoire, on enlève les tuyaux, on récupère tout ce qui peut être récupéré. Et dans une deuxième phase, il y a fréquemment une phase de réutilisation comme espace poubelle. Sorte de squat. Oui, donc on peut y faire rentrer des choses qui n'ont rien à voir avec l'occupation archéologique. Et vous trouvez dans ces fermes abandonnées ou ces maisons abandonnées, vous trouvez énormément de témoignages d'occupation qui en réalité n'ont pas à voir avec l'occupation réelle du site, mais avec sa réoccupation, sa réutilisation comme squat, comme poubelle. Vous écoutez Laurent Olivier, on a vraiment l'impression que l'archéologie pourrait réécrire le passé. C'est ce que fait l'archéologie. L'archéologie invente le passé à proprement parler. Elle en fait une lecture, elle en fait une interprétation qui est de l'ordre de la construction. Et donc c'est pourquoi il est très important, alors c'est peut-être effectivement ouvrir la boîte de Pandore, mais il est très important de se dire, ce que je fais là, je le fais à partir de quelle base c'est quoi mon degré de véracité quand je dis ça sur quoi je m'appuie pour que ça soit plausible Et c'est là où justement l'observation du contemporain, des mécanismes de dégradation, d'effondrement, de récupération sont très intéressants parce qu'ils nous donnent des clés pour lire les vestiges qu'on trouve dans le sol. Mais pourtant, Laurent Olivier, les archéologues sont des cartésiens positivistes, du moins en France. Donc, ils croient en leurs méthodes, ils croient en leurs analyses. Et Dieu sait s'ils en font. Oui, bien sûr, mais... ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est que il n'existe pas de production du savoir qui soit dans l'éther, dans l'absolu. On fait toujours ça à partir d'un point de vue. Et quand vous faites de l'archéologie, vous travaillez sur des populations qui culturellement sont complètement différentes de nous et qui sont même d'ailleurs tellement différentes que, par exemple, moi je travaille dans la proto-histoire, ces gens-là, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils représentent, on ne connaît pas leur culture, on ne sait pas comment ils représentent le monde. Ce qu'on sait, c'est que c'est différent de nous. Et ce qu'on sait, c'est que très fréquemment, on avance comme l'éléphant dans un magasin de porcelaine en projetant nos a priori, en projetant des choses qui nous paraissent aller de soi, ou des choses qui simplement nous paraissent aller de soi dans la façon de... dans la façon d'occuper les lieux, dans la façon de manger, dans la façon de vivre, et qui en fait sont des choses qui sont culturellement enracinées. Et plus les choses nous paraissent aller de soi, et j'allais dire, plus elles sont idéologiques, plus c'est des choses qui sont des constructions culturelles. L'archéologie, c'est quelque chose qui nous pousse à nous remettre en question, à nous décentrer, à faire un pas de côté par rapport à ce qu'on observe. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Laurent Olivier, deux livres majeurs relatent ce futur passé récent. Le premier, Le passé antérieur de Laurent Flutsch, mais surtout une bande dessinée pionnière, le chef-d'œuvre de David McCauley, La civilisation perdue, naissance d'une archéologie parue il y a 32 ans. Dans ces deux ouvrages, les archéologues se fourvoient. Ah, ces deux livres formidables. Le livre de McCauley, en plus, a une dimension un petit peu poétique, hein, puisque il reprend toute l'imagerie, la découverte de Toutankhamon, pour imaginer la fouille d'un motel en l'an 3000, si je me souviens bien. 4005. Et les archéologues interprètent tout ça au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'ils pensent que tout est connecté, que tout a une signification rituelle, évidemment, puisque ce sont des objets dont on ne sait plus à quoi ça correspond. Le couvercle des chiottes, plus personne n'utilise ça en 3005, la télécommande de la zapette de la télé, plus personne ne sait ce que c'est. Et donc, on imagine du rituel, on imagine de la parure, on imagine quelque chose de funéraire. Et alors, c'est rigolo, mais derrière la farce, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous interroge, ça nous met mal à l'aise, hein, mais ça montre aussi que la manière dont on interprète les vestiges archéologiques, nous-mêmes en tant qu'archéologues, elle est questionnable. Parce que on se dit que c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir pris la tombe de Toutankhamon. Parce que on se dit finalement, est-ce que je ferais pas ça moi si est-ce que je fais pas ça moi quand je fouille une tombe, quand je fouille un habitat, est-ce que je prends pas des vessies pour des lanternes en réalité? Et je pense que c'est ça toute la finesse du bouquin de McCauley, c'est que c'est lisible à plusieurs degrés, c'est lisible comme un magnifique livre d'images, c'est superbement dessiné, c'est lisible aussi comme quelque chose d'épistémologique en fait, hein, qui interroge la pratique de l'archéologie. Et je pense que c'est un livre qui est plus profond qu'il n'y paraît. Alors, le livre de Laurent Flutsch est aussi intéressant, puis il est plus récent, puis d'autre part, Laurent Flutsch est archéologue. Il lui fait une sorte de typologie savante des objets helvétiques contemporains. Oui, oui, alors c'est Laurent Flutsch, le grand spécialiste de l'archéologie, de l'identité suisse. Hein. Et oui, c'est absolument formidable ce qu'il fait, parce qu'il prend des objets qui sont des objets auxquels on ne fait pas attention, qui sont des objets de notre environnement. Et puis, il les lit d'un œil archéologique décalé. Et donc, il invente une identité archéologique à des choses qui, évidemment, sont à des millions d'années-lumière de ça. Visitons quelques instants les champs de recherche. L'archéologie des vestiges contemporains a investi tout d'abord la guerre, les guerres, bien sûr, du XXe siècle. À vos yeux, faut-il les fouiller ? Alors, il y a une chose qui est tout à fait frappante et essentielle, c'est quand on regarde effectivement le patrimoine archéologique, il faut bien l'appeler comme ça, hein, c'est des vestiges, des sites, des objets des deux grandes guerres mondiales. En fait, pour la plupart des pays belligérants, ça a été des guerres étrangères. Pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour l'Italie, les conflits ont eu lieu sur le continent européen et particulièrement en Allemagne et particulièrement en France. Et on a le triste privilège d'être un conservatoire extraordinaire de ce patrimoine, qui n'est d'ailleurs pas uniquement national, hein, c'est un patrimoine véritablement international. Donc, ces vestiges-là sont sur notre sol et c'est des vestiges archéologiques, absolument. Donc il faut les fouiller. La vraie question, c'est comment il faut les fouiller, pour en faire quoi, pour en dire quoi, pour en tirer quelle problématique archéologique. Ça, c'est la question. Le vrai souci est à mes yeux l'absence de problématique, du moins la plupart du temps. Nous sommes là que dans de sortes de simples illustrations. Mais il y a un problème de proximité avec l'événement. C'est-à-dire que je crois que ces événements sont encore un petit peu trop proches de nous pour qu'on puisse clairement formuler les problématiques archéologiques qui mettent en cause. Et puis, il y a une question qui d'ailleurs traverse toute l'archéologie, c'est celle du rapport à l'histoire. Les historiens vous diront, et ils ont raison, ils vous diront, mais écoutez, on connaît parfaitement la typologie des uniformes, on connaît parfaitement le mouvement des unités, on connaît même parfois l'identité des gens qui sont là. Qu'est-ce que vous allez apporter du point de vue archéologique? Ça, c'est une vraie question. c'est pour ça qu'il ne faut pas se fourvoyer, il ne faut pas réinventer une archéologie de la guerre de 14 ou une archéologie de la Seconde Guerre mondiale qui existerait simplement parce qu'on fouille du 14, 18 ou de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant, et ça c'est des travaux qui ont été réalisés par un de nos jeunes collègues qui s'appelle Michael Landolt en Alsace, c'est avec sa fouille de Karspar. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que donc c'est une fouille d'une galerie allemande en fait. Hein. De Blockhaus de oui. Allemand de 1914. Voilà, qui n'était malheureusement pas à l'épreuve des obus. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ça livre une archéologie de la consommation, les objets qui sont consommés et les produits qui sont consommés sur le front. Et une sorte de petit Pompéi, une fois de plus. Oui, mais ce que les gens sont figés dans leur position dans laquelle ils ont été fauchés. Oui, ça c'est frappant. Ça c'est ce qui nous touche parce que brutalement la guerre de 14 nous saute à la figure. Mais derrière ça, la problématique archéologique qui est très intéressante, c'est celle de la consommation sur le front. Et on se rend compte par exemple que l'un des problèmes numéro un, c'est l'alimentation en eau. Et les Allemands importent des quantités phénoménales d'eau minérale de toutes les régions d'Allemagne. C'est des importations massives, donc c'est un impact aussi sur la production, c'est un impact sur la rationalisation des modes de fermeture. Bref, qu'est-ce que les soldats allemands consomment dans les tranchées ? Quels objets ils utilisent vraiment ? Et ça, c'est ce que l'archéologie révèle. Et c'est vraiment une documentation qui n'est pas accessible directement par l'histoire. Ça, c'est quelque chose de particulier à l'archéologie. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Laurent Olivier, que vous êtes conservateur en chef du patrimoine au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, que nous tentons de savoir si l'archéologie du passé récent est une révolution conceptuelle. On ne peut pas passer sous silence la découverte puis la fouille de la tombe d'Alain Fournier, l'auteur bien sûr du Grand Mône, un moment jugé fondateur pour les archéologues, qui est d'ailleurs peut-être plus intéressant pour ce qui s'est passé tout autour que la fouille de la tombe. Ben, je pense que ça a été la première fois qu'on a convoqué des archéologues pour fouiller une tombe de 14-18 qui habituellement était exhumée pour être réinhumée dans les nécropoles nationales. C'était l'affaire du ministère des anciens combattants. Là, pour la première fois, on a demandé aux archéologues de fouiller ça. Et je pense que ça a été pour eux une expérience qui a été absolument fondatrice parce que ils ont été donc c'était évidemment quelqu'un de célèbre, mais surtout ils ont été confrontés aux survivants, aux familles. Et brutalement, eux qui fouillaient du néolithique, de la proto-histoire, enfin bref, des périodes pour lesquelles on était absolument assuré que les gens ne reviendraient jamais s'intéresser à ce qu'ils trouvaient, là, brutalement, ils avaient affaire aux descendants. Et je pense que ça, enfin, pour en avoir parlé avec eux, c'était quelque chose qui les a vraiment... qui les a marqués et je pense qu'il les a profondément à la fois troublés et enrichis. Il n'y a pas que la guerre de 14-18. Soyons provocateurs, on pourrait faire une archéologie, par exemple, de la baie des Cochons. Oui, il y a d'ailleurs un projet avec... j'y vais à la fin de la semaine à Cuba. Il y a un projet avec l'université de Stockholm et notre collègue Matt Burström pour... C'est véritablement une archéologie de la guerre froide. Hein, cartographier, pour faire le relevé des vestiges qui sont encore en place. C'est un événement. Le monde a failli passer à côté d'une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire. Ça fait partie des sites qui sont, quoi qu'on en pense, qui sont des sites majeurs de la fin du XXe siècle. Reste le tabou franco-algérien que je tente de faire sauter au travers d'une émission, bien entendu. Je n'y arrive pas, du moins pour l'instant. L'archéologie des autres est bien sûr bien plus facile que la nôtre. La guerre d'Algérie est absolument inabordable. Ben, je pense que ce qui est difficile, c'est de faire l'archéologie des autres chez nous. En France, on a eu énormément, dans les années 50 et 60, on a eu énormément de bidonvilles pour les gens d'Afrique du Nord, mais aussi pour les Portugais, pour énormément de nationalités. Et effectivement, ces vestiges qui sont des vestiges fugaces, c'est les vestiges de notre histoire de la France contemporaine. Ça fait partie de l'histoire de France. Hein. Ça aussi est quelque chose dont on commence à parler maintenant, qui est resté longtemps tabou, qui sont les camps d'internement. On a eu des milliers de camps d'internement juste avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre mondiale. où on a d'abord enfermé les Espagnols, on a enfermé les antifascistes allemands, on a enfermé les résistants, après on a enfermé les collaborateurs. Ça fait partie de l'histoire contemporaine et c'est de l'archéologie. Et puis bien sûr les camps de concentration, Drancy et le reste. Bien sûr. Vous me parliez des bidonvilles français des années 50-60. Pourtant, on fouille ceux des Antilles, les fameuses cases nègres liées à l'esclavage du 19e. C'est étonnant, on fouille aux Antilles ce genre de choses-là et on ne fouillerait pas ce genre de choses aux portes de Paris. Oui, en tout cas, il n'y a pas de projet dessus, mais ça finira par la question finira par se poser. Il y a un moment où on va finir par aménager un centre commercial ou un rond-point dans une partie de bidonville, et la question va se poser de savoir si on enlève ça à la pelle mécanique ou bien si on le fouille. Ça va arriver, cette chose-là. Désormais, nous pouvons faire une archéologie du 11 septembre, de Tchernobyl, de Fujikima. Les archéologues sont déjà là et ils le seront probablement pour les laves du volcan Pico do Fogo au Cap-Vert, c'est un peu ça, qui fera, on peut penser, une très belle réserve archéologique. C'est tragique à dire. Oui, c'est tragique à dire, mais probablement. Je pense que la vraie question, c'est qu'il faut que les archéologues s'emparent de ça. Et pour le moment, les archéologues s'en emparent pas vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris conscience que c'était aussi de l'archéologie et surtout que, vous parliez de Fukushima ou de Tchernobyl, on est en direct dans ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est pas seulement... la distraction, c'est pas seulement se dire « Ah tiens, ça serait rigolo de fouiller du 20e siècle, c'est marrant, on va faire comme si c'était de l'archéologie, mais en fait, on sait bien que ça n'en est pas. » C'est pas ça du tout, c'est qu'on est confronté, dans la période dans laquelle on vit, à des transformations majeures, qui sont des transformations d'ordre archéologique, dans la mesure où elles vont avoir un impact pour les siècles et pour les générations à venir. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est dans notre rôle de les observer, de les documenter. Et de s'interroger sur ce que c'est. Alors la vraie question, c'est la question des problématiques, c'est-à-dire c'est pour faire quoi avec ça ? On interroge quoi ? Mais je pense que c'est là où on est, dans la pointe avancée, on est dans le front avancé de la discipline, et que effectivement, ce sont des champs de recherche nouveaux dont il faut qu'on s'empare. Et puis peut-être deux mots juste sur ce dossier de l'œuvre de Bernard Spoerry, fouillée par Jean-Paul Demoule, Le déjeuner sur l'herbe, qui est intéressant puisque là on serait entre archéologie et histoire de l'art. Je suis partagé par rapport à ça parce que c'est une œuvre d'art, hein, c'est l'exhumation d'une œuvre d'art, et c'est une œuvre d'art qui est conçue elle-même dans la perspective de faire un petit Pompéi, de faire une sorte de bombe temporelle. Hein. On enferme tout ça à un certain moment, puis on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si on le redéterrait ? Et en le déterrant, effectivement, on exhume l'instant qui a été figé par le fait qu'on a enterré ça. Mais c'est une œuvre d'art, c'est une fabrication. Hein. Faut pas prendre ça pour un site archéologique. C'est un faux site archéologique. C'est une bulle spatio-temporelle. Ouais. Œuvrer sur le passé récent n'est pas qu'à faire d'épistémologie, c'est pour vous aussi d'idéologie, voire d'éthique, de politique. Et l'archéologie, c'est politique, hein, ça, fondamentalement. C'est-à-dire que dès le moment où on traite du passé, des choses du passé, c'est pas quelque chose qui est retiré de la société. On a évoqué l'archéologie des bidonvilles, l'archéologie de l'immigration, l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des questions d'histoire, ce sont des questions d'histoire contemporaine dans lesquelles les archéologues ont, je pense, quelque chose à dire. Et ils ont quelque chose d'essentiel à dire parce que ils exhument la mémoire des lieux. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental pour les questions d'aménagement en particulier. Je suis tout à fait frappé par le fait que les archéologues n'ont pas voix au chapitre dans les questions d'aménagement, alors que c'est eux qui auraient probablement les choses les plus sensibles et les plus pointues à dire sur l'occupation des sites qu'on réaménage, puisqu'ils en voient l'intérieur, ils en voient la mémoire. Or, on leur demande simplement de débarrasser la place, de nettoyer cette mémoire qui est gênante. Laurent Olivier, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre d'un de vos livres que vous avez écrit il y a quelque temps, Le sombre abîme du temps, publié au Seuil. La semaine prochaine, place à Rode et à son exposition au musée du Louvre. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bruno Gagnère-Fontani, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.